Il y a toute une faune qui sort la nuit. Butte, chatte en chaleur, enculé, folle, pédé, pourvoyeur, camé. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Vers quel chemin la magie mène ? J'ai les symptômes du malade imaginaire. Pour grimper, certains sont prêts à avaler des sabres. Les chiffres avant la mythique, t'as rafalé des srabs. Bien sûr que je vais arrêter le sable, si je dois jouer contre le temps. Je dois faire passer ses faces sans que ça fasse contrebande. Surpris quand on me demande, je suis moins quand on m'ignore. J'entretiendrai le bûcher avec leurs chansons mignonnes. C'est nos chances qu'on immole, les jeunes rançonnent le rap. Ce sera pas ce couplet d'autistes qui nous rassemblera. Non, je vais pas siffler l'hymne ou mettre la main sur le cœur. Ça pue leur mensonge d'état, bercera sur le peuple. Bah, je vis la cassure de près. Tant que la plaie cicatrice, si l'amour est coupable, la haine investigatrice. Sois sûr qu'on camoufle les preuves pour que les soupçons s'envolent. On sera les premiers à chanter pour que les moutons s'endorment. Tout paraît vide, donc faut qu'on meuble. Avant la chute, il faut qu'on meure. Mon cœur est froid, les flocons pleuvent. Et je noircirai le tableau jusqu'à ce que la Joconde pleure. Peu de chance que mes esquisses parlent. Je mettrai le feu à mes rêves pour qu'on les percute pas. À chaque texte, la lune acquiesce. J'aime quand elle est là, car sa présence allume la pièce. Et on joue tout à pile ou face, sans parler d'hasard. À force de vivre sur le fil, tout nous paraît rasoir. Tu trouves jamais le bon résultat quand tu multiplies les fautes. Avant de vouloir régner sur la jungle, faut que tu divises les fautes. Tout le monde se tait lorsque le fouet parle. Et comme un gosse à pleurer, tu viendras à pleurer pour dire que tu jouais. J'envoie des recours aux sourds, espérant me remettre à flot. J'espère un retour aux sourds, je suis de ceux qui se rejettent la faune.